Radiomatic. They began chipping away pieces of rocks every day at the foot of the mountain. Wise men passed by and asked him, "How can you possibly think you can move the mountain?" The old man said, "Probably I won't. But you see, I have children. My children will have children. And they will continue. Mountain will be moved." Thank you. La transmission 138 d'Audiomatic s'ouvrait sur la pièce China Clouds Not Mountains du projet Banco de Gaia de l'artiste britannique Toby Marks. Cette pièce est tirée d'un album iconique de la musique électronique des années 90, soit Last Train to Lhasa, paru en 1995. Bienvenue à Audiomatic, émission spécialisée en musique électronique de toutes sortes et animée par les électronistes qui façonnent chaque transmission hebdomadaire en assemblant des séquences formées de pièces composées de sonorités par des artistes qui utilisent la technologie, à des fins créatives basées sur les concepts d'harmonie et d'expérimentation. Yeah. since my face is gone. If I can make my eyes come back, I will see where we went wrong. Since you stole my arms, my legs, I've been rolling out on the floor. Give me back my 25 cents and your mama will give you yours. Entertainment, it's a dead-end game, rigor mortis sets in. I'm yours, flesh and bones, slow, thrilling little skin. Thank you. Il s'agissait à Audiomatic du duo américain Dutch, formé de la chanteuse Liz Fullerton et du producteur Kevin Baldwin, qui fait également partie de Jedi Mind Tricks. Ils nous interprétaient la chanson Pearls de leur album A Bright Cold Day. On a aussi pu entendre le groupe français de Penelope's et la pièce de Heat Goes On à laquelle participe Morpheus. On retrouve cette pièce sur l'album Priceless Concrete Echoes, paru en 2009. Et pour débuter cette séquence, il s'agissait du duo québécois Beast et la chanson Fingerprints de leur premier album homonyme. On retrouve au sein de Beast Béatrice Bonifaci, l'interprète de la chanson du film Les Triplettes de Belleville, et Jean-Philippe Goncalves, entre autres membres de Plaster et remixeur des trames sonores des spectacles du Cirque du Soleil qui ont été présentés à Trois-Rivières en hommage à certains groupes québécois comme Beau Dommage et Robert Charlebois. C'est maintenant l'artiste canadien Rhys Fulber qui nous livre sa pièce Minsk Maschinen. Thank you. Le groupe allemand Synapscape concluait cette séquence de deux pièces avec la pièce Seat, tirée de son album Rhythm Age, paru en 2015. Et avant, c'était Rissfall Burr et sa pièce Minsk Maschinen, parue sur son tout nouvel album solo, le 12 pouces Realism, produit par l'étiquette de disque Sonic Groove. C'est au tour du groupe hongrois Zagar d'assurer la continuité musicale à Audiomatic. The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred. Pour clore ce segment musical audiomatique, nous vous présentions le projet Misquéré du français Aurélien Margeau et sa composition Sans rêve, reconstruite par le projet Oil 10. Cette version est parue sur le deuxième album de Misquéré, intitulé Vestige. Et pour débuter, on avait droit au groupe hongrois Zagar et la pièce The Prophet is a Fool de leur album Cannot Walk, Fly Instead. C'est sur la musique du projet Rising Galaxy que se termine cette transmission 138 d'Audiomatique de son tout nouvel album Reanimation. Nous entendrons la composition Butterflies. Les électronistes utilisent parfois la récurrence pour faire assimiler certains concepts sans que l'auditeur ait à faire un effort de mémorisation. Nous espérons toutefois que l'exercice ne cause pas l'exaspération, car lorsque nous vous martelons de consulter nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique, ce n'est que pour provoquer un automatisme chez vous lorsqu'il est question de musique électronique et non pas de vous embêter avec une redondance paresseuse. Amen. Voici Rising Galaxy et la pièce Butterflies. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Thank you.